Thank you. I think It goes into raining now. I think it goes into it's raining. My water goes. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Not me, you can sing along with me. This will maybe be better. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hello, ciao, guten Abend, privet, konnichiwa. Спасибо. Витек. 2049. Jumbo, Jumbo, Jumbo, Jumbo, Jumbo, Jumbo, Jumbo, Jumbo, Didi. Yeni yok açınist. Yeni koç yolcuyuz. У меня нет денег.

Ba. Le bleu dans le gris. affaire aux soins intensifs. À deux, c'est moins triste. Dans son cerveau, deux hémisphères, le gai et le triste, un jeu d'artifice. Pouvoir aimer, comment le faire? Comment le faire? Da da da da da da da da da da da da. La peur de ne pas savoir où aller, qui nous attache à cette terre. Le cœur à l'endroit, mais l'heure a sonné. L'ami, le sien à l'envers. Elle a dit aussi, le monde est tel que l'on fuit le bruit et les sarcasmes. Elle aimait sa vie et c'est son chant. Da da da da da da da da da da da da da da. Si dans sa vie elle aura écrit tant de chapitres inutiles, pour le plus petit mot qui a guéri, sauvé une âme si fragile. Si sur son lit elle regarde l'incompris, ok. trop brave, on devient l'ombre de soi. L'homme est la lumière, mais l'homme sur tous les chemins du cœur. Diable seul, mais l'endemain, là sous les érables toi, dis-moi de ne pas être, pour toi, dis-moi de ne plus. À l'ombre, on se coupe de soi-même, on s'arrache. Ainsi, au ciel, à l'ombre. Et sentir que l'on se lâche, que rien ni personne ne sache. Quand la nuit tombe, reste cette vie trop brève. On devient même l'ombre de soi-même. La la la la la la la la la. Ugly yourself, bad boy. Yo. Tom. That's Bob Fox. De la bouche, l'entrecuisse a fait mouche. La la la la la la la. If you say so, la la la la la la la. Won't you let you go? La la la la la la la. Oh, should I know que tu m'aimes, moi, Mélo. No. La la la la la la la, if you say so, la la la la la la. Da. Da, da, da, un trait. The story of Tetris. Alyosha Cobra. Alyosha Coristo. Da. Tetris song? You want a Tetris song? Kalinga. Kalinka, pop, pop. сосною под зеленою спать спозиться меня. Катерина, скапорицвай меня. Калинка, калинка, калинка, калинка, заду, калинка, калинка моя. Калинка, калинка, калинка, кая, калинка, калинка, калинка моя. Малинка. Marcello Russia. Merci. Ling, kakaling, kakaling, kakara, kakaling. Kakaling, kakaling, kakaling, kakara, kakaling, kakaling, kakaling, kakaling, kakaling, kakaling, kakaling. There is a song called Marcello. Hi, Deadly Light. Marcello, Marcello. Yeah, Marcello. Kalinka kado, kalinka kalinka kalinka kado. Kalinka kalinka kalinka kaya. Kabrazbista, dusza djevista. Polubizetje menjaka. A cowboy kalinka. Poliubize ti menja, poliubize ti menja, poliubize ti menjaka. Kalinka, kalinka, kalinka, kalinka, kalinka. Karinga, karinga, karinga, karinga.